clair, obscur. La musique sombre sur Rage. Mes potes voudront plus me parler. Oh non non non, à la fête de Chloé je me suis trop amusé. J'ai écouté la compagnie créole et j'ai tapé du pied. Pour aller au lycée j'ai plus qu'à t-shirt orange et violet. Si seulement la lumière pouvait être plus sombre. Oh, oh, oh. Si seulement Sammy c'était la banlieue de l'ombre. Oh, oh, oh. Je sais bien que c'est grotesque d'être le matin devant un bol de Nesquik. Oh. Oh non non non, il faut que les gens arrêtent de me faire des cadeaux. Je veux rester malheureux, je veux pas qu'on me fasse plaisir. On m'a offert un pull gris à mon anniversaire. Oh non, oh, j'aime pas les couleurs criardes, surtout les vulgaires. Si seulement la lumière pouvait être plus sombre. D'être gothique quand je fais la queue aux prises uniques. Oh, oh, c'est le vrai de la souffrance. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. C'est bon. Oh, ouais, ouais, ouais, c'est cool. Demain, je vais donner mon sang. Oh, ouais, ouais, ouais, je vais partir en Suède avec des Allemands. Moi, je fais tout pour être toujours dépressif. Après, quand je le suis, je suis content. Et ça me redéprime encore plus. Ah ouais, ouais, ouais, dans ma chambre, j'ai mis des posters de murs noirs. Ah ouais, ouais, ouais, il pleut, ça va faire couler mon rimel noir. Oh, ça va laver mes cheveux, mais mon maquillage va couler. Je vais ressembler à The Crow, c'est le côté positif. Oh non, j'ai des positifs. Si seulement la lumière pouvait être plus sombre. Oh, Jean-Pierre Descombes. Wow, wow, wow. Je sais bien que c'est grotesque d'être gothique quand on fait de l'endurance au cours de gymnastique. Oh, allez-y chanter et partagez ma douleur à vous. Oh, oh, oh, non, le fait de pas finalement ça me rend triste. Oh, oh, oh, ouais, mais bon, ça me fait plaisir d'être triste. Oh, oh, oh, bon, bah, ok, chantez quand même dans le tout. Parfois par tourner en rond. Alors je cherche le trouveur. recherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. Tu avais les yeux bleus. Et lorsque tu m'as quitté, tu avais toujours les yeux bleus. Bah, c'est normal. Sur quai de la gare, j'ai voulu la rattraper. C'était trop tard, son avion venait juste décoller. Oh les mecs, je viens de trouver un accord à la guitare complètement monstrueux. Vas-y, si, vas-y, écoutez. Ouais, monstrueux, monstrueux. Tu vois, c'est pas compliqué, tu vois, tu mets le doigt là, tu ouais, vois, ouais. Et après tu fais comme ça, regarde. Oh, oh, oh, oh, oh, c'est monstrueux. Ouais, ouais, ouais, ouais. Oh là là, c'est complètement d'enfer. L'éclat total, tu vois. Oh, je vais vous dire, les mecs, ça va être monstrueux. Souvent, les musiciens se rencontrent chez les marchands d'instruments de musique. Ah, tiens, on pourrait demander à ce type. Ouais, tu crois? On n'a rien à perdre. Ouais, d'accord, je vais lui demander. Ouais, excusez-moi. Hein? Ouais? On est un groupe de rock et on cherche un batteur. C'est vrai, mais vous l'avez trouvé. Ah oui? Vous connaissez quelqu'un qui sait jouer? Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky

Vous aurez rien contre les cauchemars? Les cauchemars? Ah, en ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors, j'étouffe, et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors, je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête, et là, je me réveille. Let's go, baby! Avec ma guitare, ma mère me disait d'aller à l'école. Je lui répondais, ta gueule, j'fais du rock'n'roll. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño, Estaba el conde Drácula que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mi 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Vous aimez les bidons d'huile? Disons que leur son n'est pas inintéressant au niveau compression analogique. Oh. Ouais, enfin, encore que je trouve, personnellement moi-même, que c'est un petit peu soft au niveau des échantillonnages. Enfin bon, c'est personnel, quoi. Ah bon, tu trouves? Ah ben, complètement. Yeah. Alain ? We'll be right back.

je vais t'enfiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise pour des voyous de cette espèce. C'est bien la peine de faire les frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, enfin au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache. Oh j'en ai marre alors. Ah, je vais t'en raconter une bonne. J'aurais aimé tes tics, tes tocs, tes manies, supporter tes reliques au-dessus de ton lit, apprécier ta mère et ses états d'âme, séduire ton père, jouer à la dame, fringuer en pouf pour tes soirées pourries. J'aurais souri à des cons en buvant toute la nuit, je serais allé voir ces nasses de Paul Riquet, et je me serais même mise à la flûte colombienne. J'aurais laissé tomber mon groupe, la musique, sur un coup de tête partir en Afrique. Pour toi j'aurais vidé mes comptes bancaires et tapé du fric à ma mère. J'aurais annoncé à un enfant, même après 3 avortements, je me serais fait refaire les seins, même si j'en avais pas besoin. Ne m'appelle pas. Je ne vais plus entendre ta voix. Ne m'appelle pas. Pour ça, je ferai n'importe quoi. Ah, ça, je ferai n'importe quoi, ouais. Je me serais inventé un passé pour que tu ne sois pas le seul à blâmer. Je me serais laissé tomber au plus bas. J'aurais piqué des bagnoles, fait des casses en plein vol, attendu sans répit dans deux pièces à fleuri. J'aurais porté mon espoir des heures durant, te réconforte, j'aurais pris le temps. Ne m'appelle pas. Je ne veux plus entendre ta voix. Ne m'appelle pas. Pour ça, je ferai n'importe quoi. Comme on dit outre-manche, baby, please, forget me, tu vois. Ah, please forget my name. Forget me. Oh, ne m'appelle pas. Je ne veux plus entendre ta voix. Ne m'appelle pas. Pour ça, je ferai n'importe quoi. Je ne veux plus entendre ta voix. Oh, je te jure, plus jamais je veux t'entendre causer dans le téléphone. Plus jamais t'entendre. Tu peux toujours miauler. Tu peux toujours chialer, appeler ta mère et tout un toi. Enfin bon, je me comprends. Je suis Satania. Moi, c'est Démonio. Et on écoute Clair-Obscur sur Rage. Razor glass. We have incorporated place your bets. We're all so sick of waiting. Queen takes Jack. You've got me this time, but I'll get you back. So pick a number. Two all the ones who tried the most. Was I supposed to choose? Girl. time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You're bringing me to time. Where is the velvet crust? It really doesn't insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. Free me so you can't see me. No, not at all. In another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under sedation. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Well, I was walking down the street just a having a thing. When a second big guy gave me an evil wing. He shook on me up, he took me by surprise. He had a pickup track and the devil's eyes. He stared at me and I felt a change. To the left. Ladies and gentlemen, welcome to violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains sex. Drive you wild. And tonight Ta culotte, maintenant que t'es morte. Notre amour est éternel, libre et rebelle. Notre amour c'est pour toujours, on va jamais je te fous. Je ne t'ai jamais autant aimé que depuis que tu t'es en allé. Je ne t'ai jamais autant tôté ta culotte. Maintenant que t'es mort. Maintenant que t'es mort. Maintenant que t'es mort. Avant de traiter d'homo, maintenant, on me traite de sataniste. Sataniste. Je suis pas sataniste, moi. Je suis cronenbourgiste. Regarde-moi, j'ai la souffrance qui me fait souffrir de douleur. Beaucoup trop de peine. Tellement j'ai mal. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'exhumer tes cadavres la nuit, s'il te plaît. Est-ce que moi je critique tes hobbies? Non, bah ta gueule. On a éventré ton cousin, on a épluché ta mère, et grâce à nous, il se régale les fers de terre. On a crucifié ton frère, sur une croix à l'envers, planter des clous, rouillés en plein milieu de sa voûte, planter. Je suis trop vénère, ça me saoule trop grave, faire mes devoirs alors que de toute façon, ça sert à rien vu, qu'on va tous mourir, mourir. Si c'est comme ça, je me suicider, au moins il y aura plus personne pour me dire maintenant range ta chambre. Range ta chambre. On va déplumer ton caniche pour voir s'il est beau tout nu. Et si la voix, on lui mettra un doigt dans le nez. On va empaler ton grand-père sur un javelot de 4 mètres. Torturer ton père. Et lui arracher une part brûlée vertèbre. Je te signale que j'ai 15 ans presque et demi. De toute manière, tôt ou tard, on va mourir noyé dans le vomi. Ou dans la piste de pitié, alors c'est bon quoi. On va t'arracher les gencives, les faire bouffer à ta sœur et lui couper les orteils des pieds et les trangler. On va lapider ta grand-mère, s'entraîner au lancer par balle et la vider de ses entrailles pour le parler. On va extirper les viscères, sauter dessus à pieds joints. Et s'il y en a partout sur les murs, tu les lécheras. On va empaler ton grand-père sur un javelot de 4 mètres, torturer ton père et lui arracher une part brûlée vertèbre. the stem. My crown designs to vain. Wrote on the straw, light and the monster frame. Mokhtar. Zoo, zoo, zoo be doll. Zoo, zoo, zoo be doll. Le lavabo, le beau. Zoo, zoo, zoo be doll. Zoo, zoo, zoo be doll. Le vide et le lait en mortar zo zo vida. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous la souple dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète. Hypochondriaque. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués et vice versa. Et vice versa. Il faut que tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques, même si je suis con. Vaincu que c'est très difficile. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice versa. Et vice versa. D'où venons-nous? Où allons-nous? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à deux doigts de tes pieds, et que la simplicité réside dans l'alcôve bleue et jaune et mauve, et insoupçonnée de nos rêveries mauves et bleues et jaunes et pourpres et paraboliques et vice-versa. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours, et destitué. Qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de destitué. Nos pensées iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée. Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. Marcel et son orchestre, bonjour. Guten Tag, Rudi. J'ai lu à différentes reprises dans la presse spécialisée d'Outre-Rhin qu'on vous considérait comme la révélation de la nouvelle scène country rock new wave allemande. Pouvez-vous nous faire écouter? Da, Rudi. Und dieser Nacht will er sich denn nicht eins zu nutzen. je mange ton horn. Est-ce que vous ne voyez pas qu'une petite explication Watch from a safe distance. We'll be right back. Allez, viens! C'est pourri, gamin! Give me the reason of life so that I might laugh. At least I try in bitterness. Stop the waiting. I want to try for someone. For the love who waits for me, I want to be a sacrifice. For my love, the Lord of the darkest sight. Every day is a perfect day. This wretched life. Stop the waiting, the cruel waiting for nothing. All I want is to forget. Finally, it's a leap of death. Move me from the mindless crowd. One step scrubbed on behind my back. Save me from their poison looks. A racing light daggers through my neck. Well, it's hell to exist. Only death can bring salvation. Please, release me from my chains. But crucify me to my eternal tribulation. Give me the reason of life, so that I might laugh. At least I try in bitterness. Stop waiting, the cruel waiting for nothing. All I want is to forget. Finally, in sleep of death. You are my greatest duty. For I have to hide my face. Mistrust seems so heaven. Bless me, but this God. For the sake of grace, you are not sends me to the sand. Darkness veils my eyes. Sorrow sends me to the sand. Jet black darkness clouds my mind. Sorrow sends me to the sand. Deepest darkness in my heart. Sorrow sends me to the sand. My agony song. I know no light. Madonna padrona di virtù, da chiunque amata e riverita volontà, ogni vostro onore ed ogni vostro onore, morendo di parte vi porrete nell'aldilà. Ladra giovinetta affacciata sulla vita, danzate aria bene, ricevete il bacio a mano, sguardi fuggivi attesi, amore dimenticate, poiché domani in convento vostro padre vi menerà. Rode, rode, rode, poiché domani piangerai. Bellezza e castità, oggi sono vostro, come un soccorso, domani servitore, di chi mi rovinerà? Io sono il giullare, non devo nemico né mai sta. Io sono il giullare, non devo nemico né mai sta. Prenons une scène banale de la vie quotidienne. Oh mince, pas de bol, voilà des elfes. Dis donc le nain, fais gaffe en marchant dans l'herbe, tu vas te perdre. Eh oh, foutez-moi la paix. Remarque, on pourra facilement le retrouver en suivant les mouches. Et vous, vous êtes des sales elfes. Quel sens de la répartie. Oui, alors là, vraiment, je suis impressionnée. T'as pas l'air dans ton assiette. Forcément, je viens de me faire insulter par des elfes. Ah ouais, je comprends. C'est un peu la honte. Normalement, j'arrive toujours à les casser, mais aujourd'hui... Laisse-moi deviner, t'as rien trouvé. Exactement, une vraie misère. Moi, à ta place, j'aurais pris un Chiantos. Mais c'est vrai ça, pourquoi j'en avais pas sur moi? Et oui, avec les bonbons Chiantos, vous n'êtes jamais en panne de méchanceté à dire à vos amis. Chiantos, c'est une friandise à base de champignons des mines, enrichie en poudre de granit. Avec 2 bonbons par jour, vous pouvez facilement insulter 50 personnes. C'est vendu en bourse de cuir, de 100 grammes à 1 kilo. Allez, viens, on va s'en prendre un. Qui tape à la patate pour balancer des vannes, t'as le calembour qui faiblit. Pour un un bonbon chiantos dans ta besace pour épater tous tes amis. À l'instant même où tu goûtes le bonbon, tu balances des piques comme un vrai champion. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains pour emmerder le monde du soir au matin. Toi, t'as l'air aussi débile qu'un Nazgûl en tongs. Fillon, il a mangé des chiantons. Elle pas gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger par-ci. En formation, tous les archers, vous visez un orque choix. Si vous arrivez à le toucher, faudra courir un peu mieux que ça. Et les elfes à gauche massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule d'un quatre et je lui mets un coup de pied. Ah ah. Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez deux fois, sautez sur place. Les orques à droite et les elfes à gauche massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Alors, c'est fini ? Non. En elfe, encore vivant, attrapez-le par les cheveux, coupez-lui les jambes, c'est marrant, ça court moins vite et c'est tant mieux. En sautant sur vos boucliers, vous surfez dans les flaques de sang, foncez sur tous les rescapés, où c'est fini, on est content. Un niveau. Moi j'ai une femme, trois gosses. ces 700 asticots. Et toi, l'elfe noir, dans le désespoir, viens défiler aussi. Sortons du cimetière, prétentieux et fiers, tout seul et sans amis. Ces nains imbibés, bruyants et tarés, fringués comme des blaireaux. Emmène la vaisselle, fouille dans les poubelles et saccage nos châteaux. Marre de ces aventuriers qui ne pensent qu'à festoyer. C'est quand même pas compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est rester sale et déprimé. Ce soir, avec nos ombrelles noircissons le ciel, dansons dans nos manoirs. Défendons nos droits, mettons hors la loi ces héros illusoires. Brûlons tous ces pieux, jetons dans le feu ces croix et ces miroirs. Y en a marre de ces bourrins qui massacrent au nom du bien. Même si nos dents sont pointues, on n'aime pas s'éveiller avec un pieu. Les yeux de mon père, ce cher homme. Gomez, enlève-les-lui de la bouche. Qu'est-ce qui se passe ici? Où suis-je? Et qui êtes-vous? Eh bien, ça, c'est une assez longue histoire. Et pas n'importe quelle histoire. L'histoire tragique d'un grand amour, d'une passion et d'un meurtre crapuleux. Qu'est-ce que ça va être bien? À vous, les mecs. Moins bien sûr d'avoir perdu Louis. Écoutez l'histoire, faire pleurer un squelette. Quand vous la regrettez, des fins de mariée, elle la vedette. Entra dans son monde, c'était un vrai Roméo, mais fouché comme les pelés. Et cette malheureuse poupée tomba vite à ses pieds. Mais quand papa dit non, ça fait pas plaisir. Alors nos tourtereaux décidèrent de s'enfuir. Mort, mort, faut bien les passer. Ne vous en faites pas, finalement c'est ok. On a beau prier, on a beau se cacher. Quand l'heure a sonné, on jouait la carte. Allez, les gars, à vous jouer! Ouais! Génial! en pleine nuit, sans le dire à quiconque, sinon c'était cuit. La robe de mariée de sa mère lui allait comme un gant. Rien, vous amis, bon amour mène la danse. À part un ou deux trucs à ce qu'on raconte, comme les bijoux de famille, les lingots et les contes. Et à côté des cimetières, près du vieux chenagris, à 3h15, dans les brumes de la nuit, elle était fin prête, mais où était-tu? Elle attendit. Elle vit une ombre. Est-ce que c'était lui? Ensuite, son cœur battait la chamade. Et ensuite? Ensuite, mon pote, tout est devenu noir. Et quand elle ouvrait les yeux, elle était glacée. Les bijoux envolés et le cœur brisé. Alors elle se jura, étendue sous ses chaînes. Qu'un jour, un grand amour, un mépris de ses chaînes. Elle attendit que quelqu'un lui demande sa main. Après voilà qu'un jour, elle partage sa gamin. Qui lui promit l'amour au cœur des ténèbres. C'est la triste histoire de ses noces. Où est-ce que tu viens, Damien? Du 7e cercle de l'enfer. Oh, c'est incroyable, ma mère venait de l'Alabama. Ma venue annonce la fin du commencement. Le commencement de la fin, le nouveau règne de mon père. De ton père? Le prince des ténèbres. Waouh, nous avons du sang bleu dans notre classe. Gloire à Satan! Gloire à Satan! Hé, everybody, this ain't Cthulhu Lives. The deep ones waiting out, swimming in the sea. Their numbers they will grow, swimming safe and free. He's not dead but dreams until that fateful day when they set the old ones free on that last final day. Oh, Cthulhu Lives, Cthulhu Lives, deep down in the sea, in the city of Relay, waiting to be free. Hey, Cthulhu Lives, Cthulhu Lives, deep down in the sea, in the city of Relay, waiting to be free. Vous n'avez qu'un anniversaire, un par an. Un anniversaire seulement par an. Oh, mais il y a 364 non-anniversaires. Aujourd'hui, nous fêtons un de cela. Et nous souhaitons à tout le monde avec nos vœux sincères un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire, mon cher. Joyeux non-anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi? Mais oui, à moi. Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher. C'est aussi mon non-anniversaire aujourd'hui. Bien sûr. Oh, que le monde est petit, Dieu du ciel. Alors, dans ce cas... Un joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. Soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit. Un joyeux non-anniversaire, mon cher. Oh, l'amour! J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour, si ce n'est peut-être l'amour avec des animaux morts? C'est bientôt la fête des mères. Pensez à aller tuer un animal de vos mains nues. Pour Noël. Pour Noël aussi, mais bien sûr, qui a déjà tué un animal? Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Comme si c'était justice quand tu tuais les lapins. Et puis devant la mitraille venue de tous les fourrés, abandonnant la bataille, les chasseurs se sont sauvés. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce n'est My legs are short. Only knees, I'm a little more. I have to learn roller in order to kiss the girls with the eyes far from the feet. With the eyes far from the feet. With the eyes far from the feet. Je retire ma culotte et retrousse ma cotte. Je monte sur le divan, je me penche en avant. J'éteins les lumières, sauf le luminaire, juste pour qu'il éclaire. Spatial, de plus on mange mal. Moi je suis la lune, ça coûte pas une thune. L'éclat d'un rayon sur mon petit curon. Mon Olivia chérie, j'ai tellement vécu. Tu te rends pas compte, mon Olivia. Quel âge as-tu, mon Olivia? 27 ans. Moi, je suis un cosmonaute à côté. Mon petit cuqui, lui, c'est l'astre de nuit. Mon astronome aux anges, faut pas qu'on le dérange. Au clair de ma lune, même l'ami Pierrot, je lui vole dans les plumes. Ça fout tout par terre. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, S'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? I got these scars. My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me, and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. "Why so serious?" He sticks the blade in my mouth, Let's put a smile on that face. And... Why so serious?